Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledin. Un peu de chansons et d'accordéon, il est venu le temps du rêve. Place à la passion, teintée d'émotion, c'est un nouveau jour qui se lève. Des paillettes se sont mises à briller sur votre radio. Il est temps de danser maintenant. Chansons de toute la France donneront un air de vacances à la vie qui court toujours. Eh bien bonjour à toutes et à tous, vous êtes branchés sur votre émission Dansez maintenant et j'en suis ravi. Merci d'être à l'écoute et puis on retrouvera bien sûr comme chaque semaine Christophe pour l'accordéon et Arlette pour la chanson française. C'est parti. Voici le show. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Sorgia FM. Et on commence avec l'accordéon d'André Verschuren, avec une Java bleue. La Java bleue, ça c'est bien. C'est pas une Java, hein. C'est une valse. Qu'on se le dise. C'est parti. On continue tout en douceur avec cette belle chanson que j'ai le plaisir de vous interpréter. Un amour comme le nôtre. À l'accordéon, Bernard Marly, rien pour vous. Pourquoi lis-tu tant de romans, Pierre Benoît ou Paul Morand? Penses-tu trouver dans leurs livres de quoi rêver des nuits, des jours, quand le plus beau roman d'amour, nous sommes en train de le vivre? N'avons-nous pas assez lutté pour vivre ensemble et nous aimer? Ferme les yeux, recueille-toi, car tu sais aussi bien que moi. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. À mon regard, tu vois tout ce que je désire. Pourquoi demander aux autres un roman plus merveilleux? Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Je sais les romans, c'est certain, t'emmènent en des pays lointains, sous des ciels bleus, de clairs rivages. Oui, mais là-bas, qui trouve-t-on? Des rues, des taxis, des maisons chéries. Méfie-toi des mirages. Tiens, regarde notre intérieur, des livres, des chansons, des fleurs, et mes deux bras pour te bercer, et mon cœur pour toujours t'aimer. Un amour comme le nôtre, il n'en n'existe pas d'eux. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. À mon regard, tu vois tout ce que je désire. Pourquoi demander aux autres un roman plus merveilleux? Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. À mon regard, tu vois tout ce que je désire. Pourquoi demander aux autres un roman plus merveilleux? Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Hello, bonjour Hubert, bonjour à tous. Bonjour Arlette, chanson française. Eh bien oui Hubert. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces chansons d'après-guerre, un peu oubliées, certes. Bonne idée. Mais qui parfois trottent encore un peu dans nos têtes. Ah, bah oui. Par exemple, André Verschuren, qu'on ne présente plus, bah oui. Puisqu'il est connu du monde entier. Auteur, compositeur, il a créé son orchestre et devient célèbre en 1945. C'est pas si vieux. Au sein de sa formation se trouve une chanteuse qui a pour nom Arabelle, et qui, grâce à son talent, va rendre célèbre une bien jolie chanson écrite par André Verschuren, bien sûr. Bah oui, évidemment. Et qui s'intitule « Un petit brin de musette ». Oh, le musette, rien de tel pour faire danser. Ça tombe bien. Tu danses ? Allez, on y va, Arlette. Un petit brin de musette, fleuri dans la rue, simple chansonnette, encore inconnue. Un petit brin de musette, ça met dans la tête tout l'éclat du printemps revenu. Un petit brin de musette, ça renaît toujours avec les fleurettes des premiers beaux jours. Pour faire ces merveilleux d'un ciel gris, un ciel bleu, un petit brin de musette, y a rien de mieux. Si tu ressens comme un frisson quand tu entends chanter l'accordéon, ne cherche pas, mais dis-toi bien que l'amour n'est pas très loin. Un petit brin de musette fleurit dans les cœurs quand dans les guinguettes tournent les danseurs. Un petit brin de musette, ça trouble la tête, mais ça peut faire trouver le bonheur. Un petit brin de musette, c'est la fleur rêvée pour une amourette qui va commencer. Venez filles et garçons le cueillir sans façon. Un petit brin de musette, c'est si bon. Un petit brin de musette, c'est la fleur rêvée pour une amourette qui va commencer. Venez filles et garçons le cueillir sans façon. Un petit brin de musette, c'est si bon. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Un grand nom de l'accordéon cette semaine, c'est Manu Moguin. Très bon choix Christophe, et en plus, il s'agit de la charmeuse. Thank you. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM, Sorgia. Tout à l'heure, je vous disais que la Java bleue n'était pas une Java, c'est vrai, mais là, c'est une vraie Java qui date de 1956, ça s'appelle Java. Mesdames et messieurs, voici une chanson qui nous dit que la vie commence à 60 ans. Et c'est Arlette qui nous le dit, alors ça doit être vrai. On écoute cette version qui est à l'origine par Tino Rossi, voici la version d'Arlette. Comme autrefois nous l'avons été, la jeunesse est pressée. Elle a ses problèmes et ses soucis, nous les avions aussi. L'existence est une affaire de patience, où chaque âge a ses plaisirs, où il faut savoir vieillir avec le sourire. La vie commence à 60 ans quand on la connaît mieux qu'avant et que l'on a appris par cœur tous les raccourcis du bonheur. La vie commence à 60 ans quand on peut prendre enfin le temps de répondre aux questions qu'on se pose, de s'approcher plus près des choses. Les hommes sont compliqués de nos jours, ils le seront toujours. Ceux que j'ai connus dans le temps m'en ont fait voir autant. Puis un jour vient le grand amour. On fait le chemin à deux et la tendresse peu à peu nous rend plus heureux. Commence à 60 ans quand on la connaît mieux qu'avant et que l'on a appris par cœur tous les raccourcis du bonheur. La vie commence à 60 ans quand on peut prendre enfin le temps de répondre aux questions qu'on se pose, de regarder plus près les choses. À 60 ans, quand on se réveille en chantant, avec une voix toute neuve et un moral à toute épreuve, quand on a encore tout à faire, planter ses roses, être grand-mère, chaque instant est un commencement, ma vie commence à 60 ans. La la la la la la la la la. Ses roses, être grand-mère, chaque instant est un commencement. La vie commence à 60 ans. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Quoi de plus sympa que de parler du printemps? Et Jean-Paul Mauric le fait très bien avec cette chanson écrite par Guy Favreau et composée par Francis Baxter en 1961. Printemps, avril, carillonne. On l'écoute? Ah oui, on écoute Paul Mauric. Bing et bong et bing et bong, écoute dans l'air léger. Quatre notes sans façon qui vont se promener. Bing et bong et bing et bong, courant par monts et vallées. Elles enivrent de chansons, la nature étonnée. Printemps, printemps, avril carillonne. La marmotte se réveille au premier soleil. Printemps, printemps, les abeilles bourdonnent. Tandis que tous les bourgeons ouvrent leur maison. Le hérisson affûte ses piquants, pas bien méchants. Le pinson joue de la flûte en volant gaiement. Printemps, printemps, le vent tourbillonne en semant des papillons sur chaque buisson. Bing et bong et bing et bong, à l'ombre de la forêt, l'araignée du bout de son fil tire les cloches du muguet. Bing et bong et bing et bong, tout en dansant comme un fou. Le ruisseau qui se faufile joue avec les cailloux. Printemps, printemps, avril carillonne. Monsieur Blaireau qui dormait sort prendre le frais. Printemps, printemps, l'allure tatillonne. L'escargot vient se griser d'une goutte de rosée. Et la fourmi s'inquiète, elle n'a plus de provisions. Mais la cigale s'apprête à faire une chanson. Printemps, printemps, sur l'eau qui frissonne, une grosse feuille de nénuphar couve des pétards. Printemps, printemps, avril carillonne. L'écureuil joue à cache-cache derrière son panache. Printemps, printemps, le crapaud rayonne. Se mirant dans une flaque d'eau, il se trouve très beau. Et la tortue voyage, toute la noce n'attend plus qu'elle. Au joli mariage de deux tourterelles. Printemps, printemps, avril carillonne. Et moi lorsque je l'entends, j'ai le cœur content. J'ai le cœur content. J'ai le cœur content. Moi aussi j'ai le cœur content. C'était Printemps, avril carillonne, c'était Jean-Paul Mauric. Accordéon nouvelle vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. On va retrouver encore une perle. Les perles de l'accordéon pour vous cette semaine au féminin avec Yvette Horner. Yvette Horner avec un hommage à René, son mari. René, ma vie, mon sang. René, la vie sans toi n'est qu'un souffle de vie. La musique sans toi, est-ce encore la musique? Dans mon cœur orphelin, un rêve inassouvi te fait me revenir en couplet nostalgique. De tant de souvenirs que mon cœur en mitoufle, tu resteras ma joie, mon amour, mon mari. De mon premier soleil jusqu'à mon dernier souffle, René, tu resteras le bonheur de ma vie. Thank you. Le soir où ton regard a croisé mon chemin, j'ai senti sous mes pieds se dérober la terre. Qu'aurais-je été sans toi qui m'as pris par la main pour unir à jamais nos vies si singulières? Et je revois papa dans l'hôtel de Toulouse, quand pour te présenter j'avais dû lui mentir. Mon cœur adolescent s'affolait sous ma blouse. Mais mentir par amour, est-ce vraiment mentir? Et puis, ce fut Paris et nos premiers contrats, nos premiers cabarets dans la nuit de Pigalle. Imposant malgré tout mes morceaux d'opéra pour tracer mon chemin vers la Coupe mondiale. Je nous revois, René, sillonnant notre France, roulant de balle en balle jusqu'à l'épuisement, sans jamais s'arrêter avec pour récompense le doux crépitement des applaudissements. Nos milliers de galas, nos 11 Tours de France et l'auto qui fendait la ferveur du public, nos fous rires amoureux, nos amis, nos vacances qui provoquaient nos joies sur un simple déclic. Je n'oublierai jamais la maison de nos gens que tu as voulu pour moi comme un nid de douceur. Toute parée de fleurs et d'arbres de 100 ans, elle restera pour moi la maison du bonheur. Lorsque la maladie voulut nous séparer, j'aurais donné pour toi tout le sang de mes veines et tout abandonné pour ne pas te quitter. J'aurais laissé ma vie pour partager la tienne. Et comment oublier, quand tu rendis les armes, que j'ai joué pour toi pour la dernière fois, sur mon accordéon qui partageait mes larmes, l'air que tu aimais tant, le berger d'autrefois. Tu n'avais qu'un seul but, que ma vie soit sereine, que je n'ai pas d'ennui était ton seul souci, pour m'avoir tant donné, pour nos joies, pour nos peines. René, face à l'éternité, mon cœur te dit merci. Sorgia FM. Allez, avec la chanson qui va suivre, je vais faire un petit coucou à notre auditrice fidèle. Elle s'appelle Paulette, elle se reconnaîtra bien sûr, Paulette. Elle m'a demandé plein de morceaux. Mais on va en écouter un tout de suite et un tout à l'heure. Voici d'abord No More Boléro, l'orchestre Tendance, à l'accordéon, bien sûr, mon collègue Éric Collomb. No More Boléro. Rappelle-toi, il y avait une place vide dans nos cœurs ce soir-là. Nous cherchions l'un et l'autre sans doute le bonheur. Sous les étoiles qui ne semblait briller que pour nous, on a dansé tout simplement sur une mélodie. Notre histoire a commencé. No more bolero. Pour toi ce soir, no more bolero. Oui, souviens-toi. C'était hier et le temps s'en va plus loin. Reste une mélodie et ces mots, je t'aime. Ce soir, no more bolero. No more bolero. Ce soir, no more bolero. No more bolero. Sur Sorgia FM. J'aime à vous présenter maintenant une de ces chansons qui, à son époque, fut un immense succès et qui a pour titre « Tant que nous nous aimerons », créée par Lucienne Delisle et Aimé Barelli en 1954. « Tant que nous nous aimerons » et nous, on l'aime toujours. Que nous nous aimerons sur la route du bonheur, deux étoiles brilleront pour éclairer nos deux cœurs. Tant que nous nous aimerons, nous aurons toujours 20 ans, nos soucis s'envoleront comme la fumée dans le vent. Nous danserons, nous chanterons, la joie de chaque jour nouveau. Et les oiseaux, répéteront, là-haut, notre duo. Les années qui passeront n'auront que des mois de mai. Tant que nous nous aimerons, nous ne vieillirons jamais. Tant que le printemps fleurira gaiement, les lilas et les pervenches d'un élan joyeux, nous suivrons tous deux notre joli rêve bleu. Tant que nous nous aimerons sur la route du bonheur, deux étoiles brilleront pour éclairer nos deux cœurs. Tant que nous nous aimerons, nous aurons toujours 20 ans, nos soucis s'envoleront comme un fumée dans le vent. Nous danserons, nous chanterons, la joie de chaque jour nouveau. Et les oiseaux répéteront, là-haut,

FM, Sorgia. Si un astronaute me disait, viens je t'emmène avec moi, on s'envolera tous les deux vers la lune. Je répondrais, non, non, monsieur, je n'irai pas là-bas, je suis heureuse ici. Sur la lune, il n'y a pas de rose. Sur la lune, il n'y a pas de clair de lune. Pas d'amour, pas d'amis, pas de pommes. Mon amour, c'est pourquoi je veux vivre avec toi sur la terre pour le reste de ma vie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est vrai qu'on en passe des bons moments et on va continuer cette fois-ci avec Alain Musichini, une célèbre valse où bien sûr il faut savoir jouer. Hein. Pour jouer ça, bien sûr, il s'agit de la bougnate évidemment. Alain Musichini, on écoute et vous allez voir quel doigté ce garçon, il est bon, il est bon. Thank you. Bernard d'Arlette sur Sorgia FM. C'est un immense orchestre d'après-guerre dont il est question à présent. Ah bon ? Jacques Ellian, qui a enregistré plus de 600 chansons entre 1945 et 1949. Rien que ça. Jean Marco sera pendant 10 ans le principal chanteur de cette formation, aidé de quelques jeunes chanteuses comme Ginette Garcin, avec qui il enregistre de grands succès comme « C'est si bon » ou « Étoile des neiges ». En 1948. Le titre d'aujourd'hui est « Un chalet dans les pins », écrit par Jacques Plante et Winkler, et nous avons le plaisir, Hubert Ledan et moi-même, de vous l'interpréter aujourd'hui, accompagné à l'accordéon par Bernard Marly. C'est vrai, c'est... Un chalet dans les pins. Alentour d'un ciel lourd, vent d'hiver et neige blanche, mais j'attends le printemps en rêvant d'un toit qui penche. Un chalet parmi les pins, quand toute la montagne se réveille par clair matin. Un chalet là-haut perché, tout près d'une cascade qui fredonne en sautant les rochers. Toi et moi, les joues allées, rions de voir au loin les petites maisons dans la vallée. C'est cela pour nous le bonheur, un chalet dans les pins, un amour dans le cœur. Un bouquet de bleuets sur le bord de ma fenêtre nous prédit, comme la vie, un nouveau printemps va naître. Un chalet parmi les pins, quand toute la forêt réside sous l'ardent soleil de juin. Nos voisins, les écureuils, à travers nos volets viendront essayer de glisser un œil. Un appel de bûcheron et le bruit des clochettes d'un troupeau lointain nous parviendront. C'est cela pour nous le bonheur, un chalet dans les pins, un amour dans le cœur. Allez, on va danser le reggae, mais alors c'est pas le reggae de Jérôme Robert cette fois-ci. Ça s'appelle tout simplement ce petit reggae, mais c'est chouette aussi, hein. On se met en ligne pour ce petit reggae. C'est vraiment facile de danser le reggae. De Toulouse à Lille, on danse ce reggae. Tout monte sur la piste, que c'est bon le reggae. Reggae, reggae, on aime te danser. Reggae, reggae, tu nous fais chavirer. Reggae, reggae, on aime te danser. Reggae, reggae, tu nous fais chavirer. Thank you. ligne pour ce petit reggae. C'est vraiment facile de danser le reggae. De Toulouse à Lille, on danse ce reggae. Tout le monde sur la piste, que c'est bon le reggae. Reggae, reggae, on aime te danser. Reggae, reggae, tu nous fais chavirer. Reggae, reggae, on aime te danser. Reggae, reggae, tu nous fais chavirer. Eddy Mitchell, c'est la dernière séance et oui, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine, Christophe. Mais évidemment, il y a toujours avec un grand plaisir. Bonne semaine, merci, au revoir. Merci Christophe, il me reste aussi à dire au revoir à Arlette, on se retrouve aussi la semaine prochaine. Et oui Hubert, ce sera avec plaisir. Allez, au revoir à tous. Au revoir Hubert, à bientôt. Merci, et puis il me reste aussi à vous dire au revoir à vous, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité à cette émission Dansez Maintenant. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine et on se quitte aujourd'hui avec Alain Morisot et les Sweet People, Sayonara, Goodbye, Adieu, un très beau morceau et qui tombe bien puisque c'est de circonstance. Au revoir, merci, je vous embrasse. La pluie. Sorgia FM. Sorgia FM.